tellement de cas qu'elle revient aujourd'hui. C'est un cas inédit. Je vous appelle de Seine-et-Marne. J'ai été professeur contractuel dans un lycée professionnel et j'ai été hospitalisée. Mon contrat n'a pas été renouvelé et depuis le mois d'août, j'attends des documents administratifs. Sans ces papiers, je ne peux bénéficier ni du chômage, ni de mes indemnités journalières de maladie. Vous voyez, quand on dit qu'à notre façon, on lutte contre le pouvoir d'achat, voilà quelqu'un qui n'a pas de gros revenus et le peu qu'elle a, on ne lui donne même pas, donc ça la met dans une précarité, je suppose, qu'elle voudrait absolument éviter. Nous allons le faire pour elle. Nous avons Philippe qui est là. Philippe va nous dire ceci. Je suis artisan bijoutier. Alors que j'ai fait un chèque de 31,92 €, j'ai été débité, tenez-vous bien, de 7,205 €. L'ordre et le montant du chèque ont été grossièrement modifiés et ma banque n'y a vu que du feu. À quoi sert-elle ? C'est la question que je me pose. Il a raison de se poser la question. Qu'elle n'y a vu que du feu ? Pourquoi pas ? Ce qui nous embête, c'est qu'une fois qu'il n'y a vu que du feu et que l'on dit, voyez que ça a été trafiqué, maintenant vous remboursez. Et là, à partir de là, ça bloque et ça, ce n'est pas normal. Il nous l'a bien dit, il a été débité, Maître Fellonneau, et comme vous le dites vous-même si bien... En un mois pris, se gêne pas pour le débiter. Voilà, pour le débiter, c'est ce qu'il faut, c'est les ribiter maintenant. Hein, dans la vie, il y a un temps pour tout, mesdames et messieurs. Un temps pour débiter et un temps pour ribiter. Et là, nous sommes dans le temps de la ribitation. Nous allons, si vous le voulez bien maintenant, vous présenter cette équipe merveilleuse qui m'accompagne. La grande avocate Maître Fellonneau est là. Bonjour à tous. Bernard Sabat négociera. Bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. Une réalisation de Xavier Kassovic. Dans la bonne humeur, la négociation pour vous aider. Happy holidays. Et en ces temps difficiles, malgré tout, que l'esprit de Noël soit avec nous et avec votre esprit. Il y aura bien sûr la possibilité de nous joindre au 30 de 10 en direct. 50 centimes d'euros la minute. Et pour une gratuité totale, le Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou rtl.fr. Vois-tu alerte ou patrage, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. Et j'ai Guadeloupe qui arrive sur l'antenne d'RTL. Bonjour Guadeloupe. Bonjour. Nous en avons fait des débats ici pour savoir de quelle origine était Guadeloupe et j'ai appris que c'était d'origine portugaise. C'est ça Guadeloupe ? Oui, c'est la sainte patronne du village où sont nés mes parents. La sainte patronne du village où sont nés vos parents et comment s'appelait le village ? Serpa. Très bien. Guadeloupe, professeur dans un lycée professionnel, que vous est-il arrivé ? Expliquez ça aux auditeurs d'RTL. Merci d'être avec nous. J'étais professeure dans un lycée professionnel. Le contrat, j'ai été hospitalisée parce que je suis tombée malade. Et normalement, comme tout employeur privé ou public, on doit vous donner un certain nombre de documents, dont l'attestation Pôle emploi pour que vous puissiez toucher des indemnités. Et depuis septembre. Fin août, j'attends ce document. Alors Guadeloupe, nous l'avons vu souvent dans cette émission, parce que c'est maintenant une nouvelle arme, il faut dire les choses comme elles sont. Les patrons qui, vexés quand un employé s'en va pour une raison ou pour une autre, ou quand il se retrouve au prud'homme, bloquent les documents pour qu'il ne touche pas, par exemple, le chômage. Mais là, on est Maître Fellonneau avec une académie, c'est quand même plus embêtant. Oui, je ne crois pas qu'il y ait de ressentiment personnel entre son employeur et elle. C'est une décision qui appartient à l'Académie. Moi, ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est qu'il y a l'air d'avoir une impossibilité de régulariser cette situation. Or, comme elle vous l'a expliqué, elle attend deux attestations. Une qui lui permettra de calculer ses indemnités de chômage auxquelles elle a le droit. Et l'autre, c'est encore plus grave, je dirais plus sinistre, c'est que comme elle n'a pas non plus ses fiches de salaire et l'attestation de salaire, elle ne peut même pas être indemnisée pour ses jours de maladie. Et donc, Julien, c'est terrible. Elle ne peut même pas demander le report ou le décalage de ses impôts parce qu'elle n'a pas ses attestations. Je ne vais pas faire du poujadisme à 2 €, mais encore une fois, vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu tous les débats, vous avez vu les gens qui se plaignent parce qu'ils n'y arrivent pas. Aujourd'hui, parlons clairement Guadeloupe, pour une simple erreur administrative qui pourrait être réparée, dans quelle situation vivez-vous ? Eh bien, c'est mes parents qui, jusqu'à présent, ont suppléé à mes découverts. J'ai contracté un prêt à la consommation qui est à des taux vertigineux. Et si je continue à demander à CTLM, Sofinco, etc., là, c'est l'abysse. Donc, je Je sais plus comment faire. Bon, nous allons tout faire pour vous aider, mais vous comprenez pourquoi les gens, à un moment donné, pètent les plombs. C'est pas quelque chose d'insurmontable. On n'est pas en train de dire il faut doubler le SMIC ou etc. Il faut juste réparer une erreur administrative. On n'y arrive pas et on voit quelqu'un qui s'enfonce petit à petit et on ne bouge pas. C'est malheureux, mais nous allons le faire, Guadeloupe. Oui, je vous écoute, Guadeloupe. Ça m'a fait penser, justement, puisque là, on est en plein dans Astérix, aux 12 travaux d'Astérix quand ils rentrent dans la Maison des Fous. Ah oui. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qui se passe dans la Maison des Fous? Eh bien, on vous dit de vous diriger au bureau A2. Ah oui. Parce que il vous faut le papier A4, il faut que vous alliez chercher au bureau F12. Je me tue à le dire à mon ami Denis Brognard. Pourquoi tu t'ennuies à aller sur des îles à l'autre bout du monde? Prends tes candidats, mets-les comme ça dans une administration. Alors attention, les rouges, c'est très simple. Votre épreuve d'aujourd'hui, c'est l'épreuve de survie. Vous devez trouver le bureau 654A. Oh non! Ah si, je vous l'avais dit qu'aujourd'hui ça serait dur. On va pas pouvoir. Et vous ne serez pas nourri tant que vous n'aurez pas trouvé le bureau 654A. Ben, je peux te dire que tu aurais autrement plus de spectacle que l'épreuve du piqué. Guadeloupe, on s'en occupe dans une seconde. Vous préparez les numéros, Charlotte? On est prêt. Charlotte, je compte vraiment sur vous, Bernard aussi, pour aider Guadeloupe qui m'a touché au cœur. Nous aurons le deuxième cas qui va arriver. C'est Philippe, il est artisan bijoutier. Il fait un chèque de 31,92€. Le chèque a été falsifié et Philippe débité de 7 205 euros. Alors qu'il y ait falsification, pourquoi pas? Il y en a un qui fait A dans son coin. Mais la banque, est-ce qu'elle ne rembourserait pas? Eh bien non, RTL va s'en occuper. Nous nous occupons de vous tous les jours entre 9h30 et 11h. C'est Noël Land chez Toys R Us. Il faut être gentil avec son papa et sa maman. Et avec les lutins. Bah oui, c'est eux qui travaillent à Noël. Ah oui, chez Toys R Us, on a pensé aux lutins. Un nerf acheté, 50% de remise immédiate sur le deuxième. 50%, ça c'est super gentil. Toys R Us. Sur le moins cher des deux pour l'achat simultané de deux produits. Noël Land, pays de Noël. Tu vois, la clémentine de Corse se reconnaît à ses feuilles vertes. Of course. À son goût unique. Of course. Elle est pleine de soleil. Of course. Clémentine de Corse. Of course. Campagne cofinancée par l'Union européenne et la collectivité territoriale de Corse. Pendant ce temps chez Renault, j'adore. Faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99€ par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000€ plus 36 loyers de 99€. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39€ hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Et moi. Rétro chic, métal doré ou forme graphique, grâce à Grand Optical, j'ai le choix entre tous les styles de lunettes pour me faire plaisir à Noël. C'est Noël chez Grand Optical. Pour l'achat d'une paire de lunettes, nous vous offrons une paire de solaires. Avec Grand Optical, offrez-vous le meilleur de la santé visuelle. Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Et moi. Du 4 décembre au 8 janvier, voir conditions en magasin et sur grandoptical.com. Dispositif médical CE. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut, et en plus c'est beau. À Noël chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20€ par mois pendant un an, puis 41€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€. Alors, je fais les présentations. La bague, mon doigt, la bague. Bon, je vais vous laisser faire tranquillement connaissance. En tout cas, perso, je trouve que vous allez hyper bien ensemble. Non, vraiment, vous êtes au top. Habituez-vous à porter des bijoux de créateurs avec la nouvelle collection Le Manège à bijoux. Comme la bague créée par Sheila Andrioli Stuart en or gris et diamant à partir de 325€. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Leclerc. Bague en or gris 2,50 g et diamant 0,22 carat taille 54. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous allons essayer d'aider Guadeloupe, c'est un cas d'urgence. Elle est sans ressources depuis le mois d'août, elle a travaillé dans un lycée, maintenant elle attend les documents de fin de contrat pour toucher le chômage. Nous appelons donc, nous commençons Nathalie, on est bien d'accord, par son académie. Et je vais vous laisser expliquer à la personne que nous allons avoir le but de notre appel. On démarre quoi par la DRH, c'est ça Charlotte? Non, on va commencer par le directeur de cabinet, un numéro que nous avons récupéré ce matin. D'accord. C'est parti. Secrétariat du cabinet, bonjour. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL et j'essaie d'aider Guadeloupe Villain qui, la pauvre, est dans une situation financière catastrophique parce qu'il lui manque deux papiers qu'elle n'arrive pas à avoir malgré l'envoi de courrier recommandé. Elle n'a ni son attestation d'employeur, ni son attestation de salaire. Donc depuis septembre, elle ne touche rien. Et là, c'est des emprunts. Et tant qu'on lui fait pas ses papiers, elle ne pourra pas s'en sortir. Alors on essaie de comprendre ce qui se passe, puisqu'elle a travaillé comme professeur contractuel dans un lycée professionnel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me passer quelqu'un ? Oui, un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, nous essayons d'avoir la personne que cette dame va nous passer après nous avoir mis en attente, et c'est bien normal. Et dans un deuxième temps, nous remonterons, s'il le faut, au ministère de l'Éducation. Donc là, vous me faites une petite alerte. Écoutons l'alerte, d'ailleurs. Il est toujours bon de l'écouter. Dès que vous entendez ça, ça veut dire qu'on a résumé la situation à la personne et que nous allons pouvoir essayer d'envisager des solutions avec elle. D'accord, Guadeloupe ? D'accord. Allez, on fait ça, Guadeloupe. Est-ce que le lycée professionnel pourrait nous aider, Maître Fellono, si on l'appelait ? Non, je ne crois pas, parce que ce n'est pas lui l'employeur, c'est l'académie, et seule l'académie. Bien sûr. Nous allons donc attaquer le deuxième cas maintenant, si vous le voulez bien. Arrive sur l'antenne Philippe. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour, Julien. Vous nous appelez d'où, Philippe ? Je vous appelle de Thoiry. Bon. De Thoiry ? De Thoiry, oui, dans l'Ain. Ah, ça se trouve, mais ce n'est pas du côté, je croyais que vous étiez du côté de Lyon. Oui. Je suis basé à deux endroits. J'ai des ateliers à Miribel, près de Lyon, ouais. Et la boutique est à Thoiry. Donc, mais que faites-vous dans la vie ? Vous fabriquez des skis ? Non, je fabrique des bijoux. Des bijoux ? Ah bah, des vous bijoux. Savez, du côté de Miribel, si vous passez de l'autre côté de la montagne, du côté de Courchevel, vous avez de la clientèle, hein, là-bas. À une lettre près, puisque c'est Miribel, 01700, voilà, c'est bon. Miribel. Miribel. Vous parlez comme Bernard Sabat Miribel. Et Maître Fellono. Vous voyez, le virus, je l'ai annoncé, est en train de se propager. Donc, tu vas où au ski ? À Miribel. Et au niveau de ton compte bancaire ? En un mois après, il se gêne pas pour le débiter. À Miribel, là-bas, j'y suis débité. Bon, alors, Philippe, maintenant, vous allez... Nous allons écouter votre histoire. Nous nous concentrons. Écoutez bien, mesdames et messieurs, ce qui vous arrive. Quand quelqu'un falsifie grossièrement un chèque, vous n'y êtes pour rien et vous vous retrouvez dans la situation de Philippe. Philippe, expliquez-leur. Donc voilà, on a payé un fournisseur d'une petite facture de 30 euros. Voilà, il y a donc l'année dernière, au mois de février, si je me trompe pas. Et on a payé une facture donc de 30 euros quelques jours suivants, une dizaine de jours ou une vingtaine de jours après. On a été débité d'un montant de 7200 euros pour ce même chèque. Donc entre-temps, le chèque a été, je ne sais pas par qui, ni comment, ni pourquoi, il a été falsifié. Et le montant a été donc transformé de 31 à 7200 euros. Alors donc, permettez-moi juste d'ouvrir une parenthèse pour que nos auditeurs comprennent bien. Maître Fellono, expliquez maintenant la falsification. Alors on a déjà vu par exemple quelqu'un dont le nom de famille pourrait être Durand, qui se transforme en Durantout. On rajoute au U à la main un peu grossièrement, mais là ça va beaucoup plus loin. Alors même sur la photocopie, ça se voit, c'est-à-dire qu'ils ont passé une espèce de bande sur l'écriture manuscrite de notre témoin. Et ils ont passé une bande avec tapé à la machine la somme en lettres et un destinataire écrit 6 fois, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une lettre chèque. Vous savez comme peuvent nous envoyer les impôts quand il y a du trop perçu, c'est rare, mais bon, on peut rêver. Mais surtout une indemnité d'assurance où on reçoit, vous savez, des chèques informatisés. Donc là, on a l'impression que c'est ça, sauf que on voit bien que c'est apposé sur le dessus. Et si on voit le chèque en original, je pense que la qualité de la bande doit être la similaire. Conclusion, c'est, mais on le sait, ça c'est pas un secret. Les banques ne vérifient pas les chèques. Il faudrait alors ceci étant dit, s'ils le faisaient, ça réglerait le problème du chômage parce qu'il faudrait embaucher 200 000 personnes par banque pour vérifier tous les chèques. Donc, qu'ils ne les vérifient pas, ils sont obligés, c'est la loi, ça sera une règle d'or de Maître Fellono dans quelques instants. Mais après, deuxième partie, quand vous leur montrez ce chèque, en leur disant, vous voyez bien qu'il a été falsifié, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Eh bien, ils me disent, ma banque, donc celle que ma propre banque, donc pas celle qui a débité le chèque, mais ma banque, me dit, écoutez, nous, c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien. Alors que, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui me rendent le service et qui doivent contrôler les débits qui sont faits via mes chèques. Mais, et ils me renvoient vers une banque que je connais pas, le Crédit Mutuel, enfin, je vais pas dire son nom, mais voilà, une autre banque qui... D'accord, j'ai compris, Philippe, j'ai compris. Je vais surtout poser la question à Maître Félonneau. Honnêtement, vous voulez une règle d'or ou un coup de gueule, Maître Félonneau? Dites la vérité. Bon, je veux que notre grand spécialiste nous dise ce qu'il pense de cette affaire. Je pense qu'il a... Il est en ligne? Qu'il a son opinion sur ce dossier. Nous avons appelé le grand Serge Maître. Nous ne le dérangeons que dans les grandes occasions. Exactement. Vous savez, il faut prendre une audience. Il a une grande tunique blanche. Il est assis sur un siège qui est en hauteur. Des gens viennent avec leur chéquier. Leur relevé de compte est pris toute la journée à ses pieds. Certains lui embrassent la bague et là nous avons réussi à avoir une audience grâce à vous Céline. Oui, on l'a appelé hier après-midi. Il a été très sympathique de nous répondre. Il a bien voulu arrêter ses audiences pour nous. On l'écoute. Dans le code monétaire et financier, il est bien écrit en toutes lettres que la banque qui paye un chèque doit vérifier la conformité. Or là, on avait les moyens puisque la falsification est grossière. Donc elle doit prendre en charge et rembourser son client de ses 7 205 euros qui ont été débités du compte. Et encore une fois, et je l'assume, comprenez de dire ça, que les gens pètent les plombs, c'est clair, la responsabilité, mais ça ne se discute même pas. Depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'il y a un procès, la banque perd, c'est comme ça, elle doit vérifier les chèques. Pourquoi on essaie de dire à Philippe, on n'y est pour rien? C'est ridicule. Donc nous allons appeler dans une seconde, eh bien cette banque, pour essayer de leur expliquer, en tout cas qu'ils nous expliquent pourquoi ils disent aux clients, oui, le chèque était falsifié, mais nous, on ne peut rien faire. Donc on a bien compris que c'est votre propre banque. Bien sûr. Même si elle n'a pas eu le chèque en main, même si c'est grossier, peu importe, c'est elle qui doit vous rembourser. Ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Nous prendrons des nouvelles aussi du cas numéro 1. Vous êtes sur la radio numéro 1, l'émission le 9h30 11h vous aide. A tout de suite après Tear for Fear sur RTL. Sur RTL et malheureusement sur le cas de Guadeloupe, le cas numéro 1, vous allez écouter. Elle attend depuis août ses documents de fin de contrat, sans ça, impossible de toucher le chômage. Comme on ne lui donne pas ses papiers, elle est en train de s'enfoncer petit à petit en prenant des crédits et je pense ne pas exagérer, Guadeloupe vous l'a expliqué tout à l'heure, tout ça parce que l'administration ne lui donne pas de papiers, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en train d'entrer dans le dur, dans la pauvreté. Nous avons téléphoné à une dame, Bernard Sabat, que vous a-t-elle dit? Écoutez, on était bien donc à l'Académie de de Créteil. Cette dame-là m'a dit qu'elle était responsable, mais elle n'a pas décliné son identité. Elle n'a rien à vous dire, Julien. Elle n'est pas là pour faire du spectacle. Elle est là pour trouver des solutions, éventuellement, avec ses salariés. Donc, elle a demandé que notre auditrice, Guadalupe, envoie un mail, chose qu'elle a évidemment déjà fait. Nous allons rappeler dans une seconde, une deuxième fois, pour expliquer à cette dame, peut-être que je ne me suis pas bien expliqué sur l'urgence. Donc, on va la rappeler. Et puis, on va commencer d'ores et déjà à dire à monsieur Daniel Overlo, qui n'est pas au courant. Évidemment, il est recteur, il a plein de choses et plein de responsabilités, il ne peut pas être au courant de tous ces cas-là. Monsieur Daniel Overlo, s'il vous plaît, vous qui êtes recteur d'Académie de Créteil, il y a une dame qui est obligée de prendre des crédits parce qu'elle n'a plus de quoi manger, parce qu'il manque deux papiers. Et quand on appelle, après qu'elle ait fait toutes les démarches et qu'on soit à la radio, on répond, eh bien, non, il y a des procédures, qu'elle renvoie un mail. Alors le mail, elle va finir par les manger, parce qu'elle n'aura plus que ça dans son frigo. Excusez-moi, donc maintenant, on essaie de se bouger, gentiment, sans s'énerver. Monsieur Daniel Overlo, l'Académie de Créteil, on prépare le ministère dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Et puis, il y a le coup de fil à donner pour Philippe. Oui, on va tenter de percer le mystère de ce chèque de 31,92€ qui se transforme en 7205. Je sais que c'est les temps sont durs, que la situation est difficile. Essayons de vous donner un peu le sourire ce matin en réglant vos problèmes. Vous avez choisi RTL. Bonne journée. Renault Service. Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Carrefour. Carrefour lance les Happy Hours. Il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur plein de produits. Résultat des courses, je suis la reine des économies. Aujourd'hui et demain, c'est les Happy Hours dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. À partir de 17h, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël, tous les alcools et tous les jouets avec la carte Carrefour. Carrefour. Panachage non possible, limité à 90 euros d'achat par catégorie de produits de 17h à la fermeture des hyper. Modalité produits concernés, magasins participants et horaires sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Happy hour, heure heureuse. Alors, projecteur full LED, caméra de recul, parc assist, 5 ans de garantie. Ça va jamais tenir dans ma haute tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 euros par mois. Ah bah alors je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulière pour toute commande d'une Arona Urban 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30 000 km maximum. Premier loyer de 2 000 euros, puis 36 loyers de 159 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. Conditions sur seat.fr. Votre RTL, on a tellement de choses à se dire. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Tiens chérie, je t'ai acheté des orchidées Phalaenopsis. Oh merci, j'adore les orchidées Phalaenopsis. Dès aujourd'hui, les orchidées Phalaenopsis de tige sont à 5,99€. C'est ça, un prêt producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Peau de diamètre 12 cm avec cache-pot, coloris variés. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleur son, Clio Trend avec la Radio Connect Rengo. Meilleur décor, Clio Trend et son décor extérieur chrome. Et prix du meilleur prix, encore Clio Trend à partir de 9 990 euros. French Touch touche française. Pour Clio Trend TCE 75 sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'écoprime Renault de 1200 euros et gouvernementale de 1000 euros déduite. Offre valable jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous revenons sur le cas de Guadalupe. Son ancien employeur doit lui fournir ses documents de fin de contrat depuis le mois d'août. Sans ça, pas de chômage. Bon, Guadalupe, vous avez entendu tout à l'heure ce qu'a dit Bernard Sabat ? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, je suis victime d'un bug. Ils ont du retard. Ils sont débordés. Ouais, Est-ce que vous leur avez posé la question, comment puis-je faire pour manger ? Non, pas vraiment. Mais c'est ce qu'il faut poser comme question, Guadalupe. Fait, mais j'en sais rien. Allez, on va les appeler. Au début, moi, j'ai... Allez-y, Guadalupe. Pendant ce temps-là, ça va sonner. Ah, il y a eu un petit... Au début, j'ai demandé de l'aide au syndicat qui est Éducation nationale. Oui. Ils ont fait... Attendez, j'ai quelqu'un en ligne. Allô, bonjour, madame. Bonjour. Je suis Julien Courbet, je vous ai appelé, je crois, tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est vous que j'ai eu en ligne. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui, ensuite, je vous vous ai passé une personne. Voilà. Alors, cette personne, malheureusement, nous a pas très bien parlé en nous disant on n'est pas là pour faire du spectacle. Excusez-moi, c'est pour ça que je vous rappelle, on ne fait pas spectacle. Madame, il y a une dame qui est en ligne qui s'appelle Guadeloupe qui ne sait plus ce qu'elle va manger d'ici la fin de la semaine parce qu'elle n'a plus un centime. Elle en est à combien de crédits, Guadeloupe, parce que le rectorat ne vous a pas fait de papier ? Vous pouvez redonner son nom de famille, s'il vous plaît ? Oui, c'est Guadeloupe Villain, V-I-2-L-A-I-N. Alors, permettez-moi, je comprends que vous puissiez avoir cette réaction en se disant on fait du spectacle à la radio. Encore une fois, on n'a pas de confetti, hein, madame, ni d'orchestre. Là, on a juste une dame qui nous dit qu'elle en peut plus parce que. Ce n'est pas moi. J'ai compris que ce n'était pas vous, madame. Mais comme c'est à vous que je parle, c'est pour... parce que je sais que vous allez pouvoir me trouver un interlocuteur. Est-ce que vous pourriez me passer le cabinet de monsieur Daniel Overlow, sa secrétaire ? Pourquoi ? Parce que j'ai à lui parler pour lui demander d'aider cette dame qui est à l'agonie parce que le rectorat ne lui a pas fait ses papiers. Alors, je vous informe que des personnes sont déjà en train de regarder le dossier. Ah, d'accord. Ah, ben voyez, d'accord. Mais c'est pas du tout ce que nous a dit la dame tout à l'heure que nous avons eu au téléphone, qui nous a dit « Je ne fais pas de spectacle à la radio, elle n'a qu'à envoyer un mail. » Mais comme elle en a envoyé même des lettres commandées, voilà, qu'elle n'a plus rien, qu'elle en est à son deuxième crédit pour pouvoir manger puisqu'elle ne rentre plus d'argent, c'est pour ça qu'on se permet, madame, de vous déranger, c'est tout. Voilà, sinon, croyez-moi, on préférerait faire autre chose. Bon, donc on pourra vous rappeler peut-être d'ici 11h pour savoir si vous avez pu savoir ce qui se passait dans ce dossier. Bien sûr, monsieur. C'est très gentil, madame. Si vous pouviez nous laisser votre prénom et un numéro, merci, j'apprécie vraiment votre appel. Et Guadeloupe aussi, ça fait plaisir d'avoir des gens dans l'administration comme ça qui nous aident quand on a un problème. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie, madame. Bernard, récupérez cette dame et nous allons donc peut-être pouvoir la voir d'ici 11h. Avez-vous entendu, Guadeloupe ? Oui, j'ai entendu. Bon, il faut savoir que je suis pas la seule dans ce cas-là. Je sais, figurez-vous que nous avons eu des appels. Nous avons eu des appels. Et d'ailleurs, Charlotte lève son bras. Alors, je ne sais pas si c'est son doigt ou son bras parce qu'on a mal. De par sa taille, à essayer de voir qui est quoi, mais peu importe, elle me fait signe. Oui, nous avons Isabelle qui est en ligne et qui va vous expliquer qu'elle est un petit peu dans la même situation. Alors, j'ai 30 secondes. Isabelle, bonjour. Bonjour, Julien. Je n'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, Isabelle, parce que j'ai les infos qui vont démarrer. Vous avez écouté Guadeloupe. Vous êtes dans la même situation ? Alors, je suis dans une situation identique. Oui. Moi, à l'inverse de Guadeloupe, j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille et on n'est pas dans cette situation financière. D'accord. Il faut savoir que l'éducation nationale travaille souvent avec 2 mois, voire 3 mois de retard. Oui, mais là, c'est des papiers, c'est pas un paiement en retard qu'on pourrait justifier auprès d'un banquier. C'est une attestation, là, elle n'a rien, c'est ça qui est dingue. Vous en êtes sortie, vous, Isabelle ? Alors moi, en fait, j'ai travaillé début octobre 2 semaines. Oui. Et pour info, j'attends toujours mon bulletin de salaire que je dois transmettre à Pôle emploi et mon contrat de travail que j'ai jamais signé. Vous êtes de quelle académie ? De Nantes. Académie de Nantes. On va voir si on peut vous aider. Vous restez en ligne. À tout de suite sur RTL. Et si on pensait au Roquefort ? On vous a déjà fait le coup de l'endive à l'apéro ou en salade ? Une belle feuille d'endive, quelques dés de roquefort déposés au milieu avec des pignons de pin et une pointe de balsamique. Et là, tu croques, tu dégustes. C'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, bougez plus. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le voyage de Noël d'Arthur qui change. Avec la valise cabine à 10 euros au lieu de 19. 10 euros seulement. Arthur, c'est pas les trains, les avions et les voitures qui sont mal fichus. C'est ta valise qui est trop grande. Essaye celle-là, tu verras. Jusqu'à mardi, vos magasins Auchan proposent la valise cabine ABS hauteur 50 cm à 10 euros seulement au lieu de 19 euros. Et votre voyage de Noël change. Auchan. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, je suis chez Lidl là, et je suis paumé. Chez Lidl ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Eh ben, paumé. Demain et après-demain, les pommes de terre Princesse Amandine en filet d'1,5 kg sont à 1,99€. Moins de 2€ le filet de 1,5 kg. Et des pommes de terre origine France, hein ? Eh ben, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 35-55. Traitement antigerminatif après récolte, pommes de terre de consommation à chair ferme, variété Amandine, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Sur France 3, série documentaire événement. Jamais une affaire n'aura eu autant de rebondissements. Depuis 34 ans, la mort du petit Grégory reste un mystère. Pour la première fois, une série documentaire ressort les pièces du dossier. Inédit, La malédiction de la Vologne, à suivre dès ce soir à 21h. France 3, vous êtes au bon endroit. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Le 9h30, 11h est l'émission la plus écoutée de France. Elle vient en aide à ceux qui en ont vraiment besoin et qui vivent des injustices, comme Guadeloupe, que nous retrouvons juste après les infos. Il est 10h. L'information, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors que l'Élysée dit craindre une très grande violence samedi prochain pour la 4e manifestation des Gilets jaunes, le premier adjoint à la mairie de Paris appelle le gouvernement à faire des propositions plus convaincantes pour tenter de désamorcer la crise. Emmanuel Grégoire était l'invité de RTL ce matin. La maire Anne Hidalgo, elle sera reçue cet après-midi par le préfet de police pour faire le point sur le dispositif de sécurité dans la capitale. Les forces de l'ordre envisagent d'utiliser les blindés de la gendarmerie pour protéger les bâtiments officiels. Le gouvernement, lui, estime avoir déjà fait un geste d'apaisement considérable en annulant la taxe sur le carburant en 2019. C'est ce qu'affirme ce matin, en tout cas, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il annonce également que la France introduira l'année prochaine une taxe nationale sur les géants du numérique, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Des négociations sont en cours au niveau européen, mais si elles n'aboutissent pas d'ici le mois de mars, Bruno Le Maire assure que le gouvernement prendra des mesures au niveau national. Au-delà de l'annulation de la taxe sur le carburant, le Premier ministre a également annoncé hier que le tarif de l'électricité n'augmentera pas cet hiver, un gel qui devra être compensé plus tard, a estimé ce matin le PDG d'EDF. Jean-Bernard Lévy, il était l'invité d'RTL. Par ailleurs, il a annoncé une prime exceptionnelle pour aider les Français à remplacer leurs chaudières au fioul par des pompes à chaleur. EDF propose d'augmenter de 50% l'aide déjà versée par l'État pour encourager à se convertir à l'électricité décarbonée. Et alors que le gouvernement lâche du lest face à la colère des gilets jaunes, la bourse de Paris a ouvert en nette baisse ce matin et continue de chuter, moins 1,77%. Le CAC 40 actuellement autour des 4 857 points. Il n'y a pas que les gilets jaunes, les lycéens continuent de manifester dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, deux syndicats appellent à bloquer les établissements, donc pour cette journée et également pour la journée de demain, contre la réforme du baccalauréat et contre Parcoursup. L'université Sorbonne Paris 1 est fermée aujourd'hui pour raison de sécurité. Les étudiants avaient prévu une assemblée sur place pour décider de rejoindre ou non les blocages. Un rodéo mortel la nuit dernière dans les rues de Strasbourg. Un homme de 73 ans est mort après avoir été percuté par une voiture folle, une Peugeot 206. Son conducteur a pris la fuite. Il est toujours recherché ce matin. La météo pour cet après-midi, un ciel toujours bien nuageux, ponctué d'averses avec un retour des éclaircies sur la Loire, au pied des Pyrénées, sur le pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes et à la Corse. Les températures pour cet après-midi comptent 12 degrés à Metz et à Nancy. Il fera 13 à Lille, à Dijon, à Limoges, 14 degrés à Paris et à La Rochelle, 16 à Biarritz, à Toulouse, 17 à Marseille. Le maximum 19 degrés pour Perpignan. Fabriqués en France, les oreillers et couettes Colas Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Colas Normand, chaque matin, partez gagnant. Les courses, c'est à Vincennes. Aujourd'hui, voici les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 10, le 6, le 11, le 15, le 9, l'As, le 16, le 5 et la dernière minute, c'est le numéro 9, Sharon Gar. Il est 10h03 sur RTL. Vous retrouvez Julien Courbet. À tout à l'heure Alexandre pour d'autres informations. Vous êtes à l'écoute du 9h30-11h. Chaque matin, nos équipes négocient pour essayer de vous aider. Quand vous êtes en train de vous enfoncer, comme c'est le cas de Guadeloupe, à qui l'administration refuse de papier et qui est obligé de prendre des crédits aujourd'hui. Mais nous y croyons, car c'est l'esprit de Noël. It's the most wonderful time of the year. Ça pourrait être un beau cadeau pour Guadeloupe. Et pour Philippe également, voici le point info. Le point sur tous les cas c'est la Minute Info. Donc, Guadeloupe, nous résumons pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Céline. À cause d'une lenteur administrative, elle est sans ressources depuis 4 mois. Son ancien employeur ne lui envoie pas ses documents de fin de contrat. Nous avons lancé pas mal d'appels, Charlotte. Nous avons appelé à 2 reprises l'Académie de Créteil. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu les réponses souhaitées. Mais heureusement, nous sommes tombés sur une personne remarquable à la dernière minute, Bernard. Oui, Julien, c'est grâce à vous que le climat s'est apaisé. Oh non, ne dis pas ça. C'est pas grâce à moi. C'est parce qu'on a discuté, parce qu'on est tombé sur quelqu'un qui a compris la mesure de l'appel. Et elle m'a dit, donnez-moi votre portable, j'essaie de vous rappeler avant 11h, le dossier est réouvert. Voilà ce qu'elle vient de me dire. Si ça se trouve, elle a voulu votre portable uniquement pour un rendez-vous et pas du tout pour régler le dossier. Parce que vous plaisez encore un petit peu. Nous avons Philippe. Alors donc, Guadeloupe, normalement, on essaie d'avoir du nouveau d'ici 11h. S'il le faut, on appellera le ministère. Mais nous avons également Philippe, l'artisan bijoutier. Il fait un chèque de 31,92€ pour payer un fournisseur. Le chèque a été falsifié et Philippe débité de 7 205€. Permettez-moi de vous redire que le chèque Maître Fellono n'a pas été falsifié en rajoutant un petit peu de stylo. C'est un truc de dingue, c'est un truc grossier, une bande informatique où il y a 8 fois le nom qui apparaît. Oui, exactement, comme si c'était une lettre chèque, mais visiblement très grossièrement faite à l'œil nu. On voit bien que ça a été collé par-dessus une écriture. Et donc c'est le fait que la falsification soit grossière qui engage la responsabilité de la banque, de notre témoin, puisque c'est elle qui a autorisé son paiement. Banque d'ailleurs, Céline qui dit à notre témoin, non, voyez avec l'autre banque, nous on n'y est pour rien, on ne peut rien pour vous. Exactement, et elle invoque aussi un délai trop long. En fait, selon la banque, notre auditeur aurait trop tardé à faire les réclamations. Or, Serge Maître, le président de l'Association française des usagers des banques, nous dit bien qu'il y a 5 ans, vous avez 5 ans pour faire une réclamation. Et ce qui est terrible dans ce dossier, c'est qu'encore une fois, la banque connaît le droit mieux que quiconque. Elle sait pertinemment que c'est 5 ans le délai. Elle sait pertinemment que c'est à elle de rembourser. Mais on tente quand même le coup. On se dit, tiens, s'il ne montre pas les dents, ça nous évite de lui rembourser. C'est ça qui est malade, donc il faut passer par la radio, etc. Mais moi, c'est ce qui me rend fou et ce qui explique aussi parfois la colère générale. Oui, effectivement. Et la banque, d'ailleurs, n'a pas hésité à répondre ces arguments-là que nous contestons aujourd'hui à l'avocat de notre témoin. C'est-à-dire qu'il va franco en disant, après tout, qui tente rien n'a rien. Je dis non, et puis on verra bien si c'est suivi des faits. Donc aujourd'hui, il faut vraiment dire à la banque, écoutez, réexaminez le dossier, réexaminez votre position, car franchement, sinon, ça se réglera devant les tribunaux, quel dommage. Ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Nous préparons donc le numéro de la banque. Il y aura la farandole des retours. Avec Louis qui a travaillé sur l'aménagement intérieur d'une boîte de nuit, il attend d'être payé de 8 700€. Avec un Parisien qui a ouvert plein d'établissements et qu'on aime bien. Il fait de beaux établissements, mais parfois les fournisseurs sont pas payés. Alors malheureusement, nous sommes obligés d'insister un peu. Allez, bonne journée à vous tous. Courage à tous. Pour Noël, offrez un livre. La fille des Templiers de Mireille Calmel. Des rois maudits, une femme rebelle, entre suspense et érotisme, un roman inoubliable. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Complot de Nicolas Beuglet. Une lutte à mort, un complot implacable. Le nouveau thriller de Nicolas Beuglet. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Et si on était bienveillant, de Patrick Sébastien. Une invitation tendre et sincère à faire le premier pas vers l'autre. Un livre XO. La bonne idée cadeau. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un, pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99€, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Holiday on Ice fête ses 75 ans. Plongez dans la magie du plus grand des spectacles sur glace avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux. Holiday on Ice, au Palais des Sports de Paris, du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France. Plus d'infos sur holidayonice.com. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Tiens chérie, je t'ai acheté des orchidées Phalaenopsis. Oh merci, j'adore les orchidées Phalaenopsis. Dès aujourd'hui, les orchidées Phalaenopsis de tige sont à 5,99€. C'est ça, un prêt producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Peau de diamètre 12 cm avec cache-peau, coloris variés. Cultura. Qui c'est qui a pas encore écrit sa lettre au Père Noël? Qui c'est? C'est toi. Et le pauvre Père Noël, comment il va faire pour t'apporter des jolis cadeaux? Si vos proches ne savent plus quoi inventer pour vous soutirer des idées de cadeaux, ne dites pas. Bah, il a qu'à demander des idées au lapin de Pâques, le Père Noël. Mais dites plutôt. Il ferait bien d'aller faire un tour chez Cultura, le Père Noël. Pas de panique pour vos achats de Noël. À partir du 14 novembre, toutes les meilleures idées cadeaux sont dans les magasins Cultura et sur cultura.com. De quoi passer un joyeux Noël. Cultura, l'esprit jubile. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h avec donc le cas de banque et nous allons lancer l'appel pour notre auditeur Céline. C'est Philippe, il est bijoutier. Il fait un chèque de 31,92€ qui se transforme par magie en 7 205€. Nous appelons immédiatement maintenant la banque pour en savoir plus. C'est parti, nous allons à la banque qui se trouve à Lyon. Bonjour et bienvenue à la Banque Populaire, Auvergne-Rhône-Alpes. Allez. Merci de patienter, un conseiller va vous répondre. Tant mieux, une conseillère, pourquoi pas. Voyons, conseiller ou conseillère? Conseillère. Banque Populaire Telcourt, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec votre client Philippe Noradian, qui a eu un chèque falsifié grossièrement, qui est passé de 31,92€ à 7 205€, et aujourd'hui on lui dit que la réclamation arrive trop tardivement. Or, nous savons, vous et moi, en tout cas, moi, pour m'être renseigné auprès de Serge Maître, le président de l'Association française des usagers des banques, il y a 5 ans pour pouvoir contester un chèque. Alors, on ne comprend pas trop parce que ça date de quand exactement, Philippe ? Oh, vous avez raccroché. Enfin, moi, j'ai rien changé. Non, Philippe, on est sur l'antenne. Ne nous insultez pas. Attention, nous sommes sur l'antenne. Philippe, combien de temps ? Oui, vous avez raccroché, mais on vous a rappelé. Philippe, combien de temps, ça date de quand la perte du chèque ? Ça date du mois de février. Voilà, c'est 2017. Bon. 2017, donc ouais. Ça fait pas 5 ans. Voilà, monsieur, à qui peut-on s'adresser, voilà, s'il vous plaît, à la Banque Populaire de Lyon. Allô, monsieur, il est toujours là, le monsieur? Oui, il est là. Oui, je suis toujours là. Ouais. Sauf que vous voulez qui exactement au téléphone? Quelqu'un qui puisse rendre son argent à votre client, tout simplement, monsieur. Puisque, encore une fois, il a eu un chèque falsifié. Voilà, la loi dit que c'est la banque qui doit le rembourser dans ces cas-là. Mais il n'y a pas quelqu'un directement qui puisse faire ça. Je vous recommande de contacter le conseiller qui gère le portefeuille. Alors c'est monsieur Alexandre Martin, pouvez-vous me le passer? Il est actuellement pas disponible, il est en formation cette semaine. Il est en formation cette semaine. Alors monsieur Guizon. Monsieur Guizon, quelques instants, je vais essayer de l'avoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci monsieur. Donc nous allons récupérer... c'est incroyable, ce monsieur dit oui, il faut qu'il passe par son conseiller comme si Philippe n'y avait pas pensé d'aller voir son conseiller. Ouais, quand il vous arrive un truc comme ça, on vous prend 7 000€, qu'est-ce qu'on fait Simone? Va voir le cordonnier. Non. J'ai une idée. Si on allait voir notre conseiller bancaire. Oh, que t'es fort Philippe. Voilà, on y pense quand même, il faudrait que les gens comprennent qu'on n'est pas aussi bête qu'on en a l'air. Bon Philippe, nous attendons d'avoir le conseiller monsieur Guizon et nous remonterons cette... Vous vouliez dire quelque chose Philippe? Ce que je voulais quand même souligner, c'est que c'est vraiment, je veux dire, ça pourrait être quelque chose de commun, ce montant-là, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive j'allais dire une fois par an quoi, c'est des montants extraordinaires quoi, et enfin pour nous on fait des chèques de montants de 50, 200, 200€, mais donc qu'on puisse ne pas contrôler des chèques de 50, 100, 200€, je peux le comprendre, mais 7 000€ avec on aurait dessiné on aurait fait un gribouillon à la place de la signature, c'était pareil. Mais on a fait 20 fois, 100 fois ce genre de cas sur l'antenne d'RTL et ça se règle à pour chaque fois. Comme ça, ouais. Mais peu importe que ça soit fait grossièrement quoi, il y a une loi, je n'y suis pour rien. Si il est clairement dit que les chèques doivent être vérifiés. Bon, attendons d'avoir quelqu'un. Bernard est en ligne avec la Banque Populaire qui va nous prouver qu'elle n'est pas populaire pour rien, car ça s'en va et ça revient, ça falsifie pour rien, ça te plombe le compte en banque et tu te retrouves à découvert comme en disant banque populaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? En plus, il chante, là, bravo, vous êtes complet. Et peut-être pourriez-vous faire Claudette derrière moi, si nous allons devant votre agence. Si je vous mets, avec Maître Félonneau, une note de musique en cache-sexe, comme elles avaient, là, les Claudettes, vous vous rappelez? N'importe comment. Vos fantasmes, là, ça suffit, là. Philippe, une note suffira. Oui. Vous, Maître Félonneau, belle et grande comme vous êtes, il faudra peut-être... Un octave. Un octave entier, une partition. La 5e de Beethoven. Nous allons... avoir une alerte apparemment sur quel dossier? Sur le cas de Philippe, Julien, et la Banque Populaire. Oui, on est dessus, allez-y. Alors écoutez, en deux mots, ce monsieur a été charmant, monsieur Guizon est en ligne, il devrait nous rappeler sur le portable ou bien se rapprocher de sa direction régionale. Ben oui, que nous allons de toute façon appeler si on n'a pas des nouveaux d'ici 10 minutes. Philippe, vous pouvez aller vous faire un café, on se retrouve dans quelques instants. Que va-t-il se passer s'il vous plaît, Céline? On va revenir sur le dossier de Louis qui est passé récemment sur l'antenne d'RTL. Il a travaillé sur l'aménagement d'une boîte de nuit, il attend d'être payé de 8 700 euros. Vraiment, parce que c'est Noël et que c'est l'esprit de Noël, je vais laisser Bernard Sabat faire la blague qu'il nous fait absolument tous les matins depuis maintenant 20 ans concernant le prénom Louis. Allez-y Bernard. Vous savez quel est le prénom le plus usité en France, Julien? Non. Non. C'est... Dans les commissariats, sinon on comprendra rien. Sûr. Le commissariat, vous savez. Il nous la raconte tous les matins et on est obligé nous-mêmes de lui rappeler la blague. Donc, reprenez, quel est le prénom le plus utilisé dans les commissariats? C'est Louis. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on lui dit alors qui c'est qui a fait ça, il dit non, c'est pas moi, c'est Louis. Voilà. Je suis désolé, mais voyez, voilà, je m'achète la paix sociale. En le laissant dire ça, je suis tranquille maintenant pour quelques temps. Mais merci d'être patient avec moi. Voici une nouveauté, c'est Zaz. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. C'est de retour avec Kevendra sur l'antenne d'RTL, c'est toujours aussi frais et agréable. Zaz sur RTL, deux cas ont été lancés, il y a le cas de Guadeloupe. Guadeloupe nous appelle parce qu'à cause de lenteur administrative, elle n'a pas d'autre choix que de prendre un crédit à la consommation. Bernard, nous attendons des nouvelles de l'Académie de Créteil. Je pense que c'est bon signe, ils ont réouvert le dossier, Julien. Bon, si nous n'en avons pas d'ici 10h30, nous tenterons le ministère. Nous avons Philippe qui est artisan bijoutier. Énorme trou dans sa trésorerie, 7205 euros. Il a été victime d'un chèque falsifié. Nous attendons quelqu'un à la Banque Populaire de Lyon, l'agence des Archets. Exactement, monsieur Guizon qui est en ligne pour l'instant, qui devrait nous rappeler hors antenne. L'appareil, si 10h30 nous n'avons pas de nouveau, nous tenterons la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans une seconde, c'est l'arnaque en temps réel avec une incroyable affaire qui vous sera racontée. J'essaierai d'y mettre le ton, de mettre tout en perspective. Maître Félonneau vous donnera des conseils, mais vous allez voir comment quelqu'un a réussi à soutirer de l'argent aux proches d'un défunt. Rien ne les arrête, vous êtes sur RTL. Carrefour. On a tous droit au meilleur des Noëls. J'ai trouvé un super cadeau de Noël pour ma femme dans le catalogue cadeau Carrefour. Un magnifique pull 100% cachemire à 49,99€. Non mais un cachemire à seulement 49,99€. Résultat des courses, un cadeau doux pour ma femme et mon porte-monnaie. Jusqu'au 10 décembre pour Noël, découvrez des centaines d'idées cadeaux à prix exceptionnel dans vos hypermarchés Carrefour. Comme par exemple le pull Tex 100% cachemire double fil à seulement 49,99€. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Taille S à XL, homme ou femme, différents coloris, guide cadeau, magasin participant et ouvert sur carrefour.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, enfin derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1€. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Passez une bonne matinée avec RTL. Rétro chic, métal doré ou forme graphique, grâce à Grand Optical, j'ai le choix entre tous les styles de lunettes pour me faire plaisir à Noël. C'est Noël chez Grand Optical. Pour l'achat d'une paire de lunettes, nous vous offrons une paire de solaires. Avec Grand Optical, offrez-vous le meilleur de la santé visuelle. Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Et moi. Du 4 décembre au 8 janvier, voir conditions en magasin et sur grandoptical.com. Dispositif médical CE. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? C'est la foire au vin de Noël. Ah oui, et là ils sortent le champagne brut Jacques Laurent, grande réserve AOC de leur réserve. Monsieur pétille d'humour. Bah riez pas, hein. En ce moment, pour une bouteille achetée, la deuxième est à moins 50%. Ça fait 24,98€, soit 12,49€ la bouteille. Notez une étoile au guide achète 2019, hein. Alors, j'achète ? Là, j'ai plus le sens de l'humour. Oh bah mince. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 16,65€ le litre et la bouteille vendue seule. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture ? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15€. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h, voici l'arnaque en temps réel. L'arnaque en temps réel. Non, je fais moi-même le jingle, ne t'inquiète pas. Mais de temps en temps, je peux aussi, moi, mettre un peu ma main à la pâte. On n'est pas toujours obligé d'envoyer le truc. Le Parisien nous révèle une incroyable affaire. Un homme de 60 ans est soupçonné avec plusieurs complices d'avoir épluché, Maître Fellono, des légumes. Non, d'avoir épluché des avis de décès partout en France pour soutirer de l'argent aux proches des défunts. Vous vous rendez compte ? Ces individus qui étaient basés en Israël se faisaient apparemment passer pour des avocats auprès des familles contactées. À chaque fois, ils faisaient croire que la personne disparue avait souscrit des assurances-vie à l'étranger. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le journal, ils regardent tous les avis de décès, ils essaient de retrouver le numéro de la famille. Exactement. Quand ils le trouvent, dites donc, mes condoléances, mais vous savez que Robert avait une assurance-vie et elle vous concerne. Pour que les familles récupèrent l'argent, il leur était demandé de virer une somme substantielle. Donc là, immédiatement, avant même d'aller à la fin de l'histoire, je vous l'ai dit, je vous le redis et je le dirai jusque à mon dernier souffle, quand on doit toucher de l'argent, on n'en donne pas. Parce que sinon, il suffirait de le soutirer. Vous voyez, quelqu'un vous dit vous allez toucher 10 000 euros. Mais pour toucher 10 000 euros, il faut m'en envoyer 1 000. Dans ces cas-là, on voit moins 9 000. Tu te sers toi-même. Non, mais voilà. Et c'est encore plus simple. Donc, ça marche comme ça. Bref, après de nombreuses plaintes, une perquisition a été menée au domicile du sexagénaire. Une procédure d'extradition devait être menée à son égard. Il y aurait 250 victimes en France, en Belgique, en Suisse. 5 millions d'euros, il a réussi à toucher. 5 millions d'euros, Maître Fellono. Oui, alors c'est effectivement une somme phénoménale. Mais ce qu'il y a de plus triste, effectivement, c'est qu'on le sait, en Israël, on connaît rarement la procédure d'extradition. Et il y a de nombreux escrocs qui vont se cacher là-bas. Et c'est un véritable problème, d'ailleurs, que l'État israélien prend en considération maintenant, puisqu'on est très souvent, et Bernard Sabat en a vu de l'illustration, très souvent amené à se retrouver dans ce pays. Oui Bernard. Alors juste un point important, depuis le 1er juillet, Israël ayant signé les accords de l'OCDE, ils sont en obligation justement de déclarer les escrocs et de les faire venir éventuellement en France si on demande une extradition. Très bien, ben merci de nous avoir dit ça. Donc nous allons maintenant, si vous le voulez bien, réattaquer un cas que nous avons traité hier, ça sera dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Mais là, Maître Felonneau, il va falloir vraiment qu'on aide ce pauvre Louis, directeur artistique. D'ailleurs Céline, rappelez-nous en deux mots de quoi il s'agit. Louis a créé toutes les lumières pour une boîte de nuit, le gérant du club ne l'a pas payé. Bon, alors maintenant, nous allons, je ne sais pas, soit marquer une pause publicitaire, soit une pause musicale, soit attaquer le cas. Et on me dit que ça serait une pause musicale, car voilà, je tiens à vous faire participer à tout. On improvise des réunions comme ça à la dernière minute. Et là, il vient d'en avoir une qui vient de tomber. C'est un breaking news. Et nous allons écouter, parce que j'adore ce titre, ça va nous permettre de voir si notre auditeur est bien arrivé. C'est Estelle avec American Boy. Vous vous rappelez de ça ? Pas du tout. Voilà, vous ne connaissez même pas. Eh bien, c'est fantastique, c'est un des plus gros tubes. Écoutez-moi ça. Ah bah si. Ah oui. Voilà, quand même. Ah mais c'est quand même la seule radio au monde où quand on envoie un titre, on entend les animateurs faire non. Ah ouais. Ah mais oui. It's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Elle s'appelle Estelle et chante American Boy. Il est 10h27. Je rappelle que deux cas inédits ont été lancés. Il y a tout d'abord notre cas de Guadeloupe. Le rectorat ne lui donne pas ses documents de fin de contrat. Elle est sans salaire et sans indemnisation pour l'emploi. Nous devons avoir de l'Académie de Créteil du nouveau. Si jamais on l'a dit à 10h30, il n'y en avait pas. Nous essaierons d'avoir le ministère de l'Éducation ou même le rectorat peut-être. Ils ont encore deux minutes par rapport à votre timing, tout Julien. Tout à fait. Donc on attend. Et pour Philippe et le bijoutier, cette 5 205 €, c'est la somme qui a été débitée sur son compte suite à l'encaissement d'un chèque frauduleux et sa banque ne fait rien pour l'aider. La Banque Populaire de Lyon, rue des Archers, c'est pas qu'elle fait rien pour l'aider, c'est qu'elle lui dit on n'a pas vous rembourser. Alors que la loi est vraiment, mais alors on ne peut plus précise là-dessus. D'ailleurs, réécoutons ce qu'a dit Serge Maître, ça prend quelques secondes parce que ça vaut vraiment le coup. Alors Serge Maître, quand il dit quelque chose, je peux vous dire qu'il n'est jamais à côté de la cible, contrairement à nous. Il est le porte-parole de l'AFUB, l'Association Française des Usagers des Banques. C'est son métier d'étudier ces cas tous les jours. Dans le Code monétaire et financier, il est bien inscrit en toutes lettres que la banque qui paye un chèque doit vérifier la conformité. Or, elle en avait les moyens puisque la falsification est grossière. Donc, elle doit prendre en charge et rembourser son client de ses 7 205 € qui ont été débités du compte. C'est pour ça qu'on insiste auprès de la Banque Populaire, afin qu'ils puissent passer un bon Noël, parce qu'il y a quand même plus de 7 000 € dans la nature. Espérons que nous les aurons dans quelques instants. Joyeux Noël! Nous laissons guider. Mère Noël, accordez-moi une danse. I'm dreaming of a white Christmas. Wow, franchement, là, j'étais en train de m'imaginer Maître Félonneau en tenue de Mère Noël. Avec son... Franchement, non, mais c'était vraiment très glamour. Ouais, merci de m'avoir offert, au moins pour le par rêve, ce petit moment. Alors, projecteur full LED, caméra de recul, parc assist, 5 ans de garantie. Ça va jamais tenir dans ma hotte, tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 € par mois. Ah bah alors je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulière pour toute commande d'une Arona Urban 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30 000 km maximum. Premier loyer de 2 000 €, puis 36 loyers de 159 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. Conditions sur Seat. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunch Traiteur. Vous venez d'avoir votre premier bébé, ou c'est la première neige de l'année. Flunch Traiteur, quand c'est la fête chez la voisine, ou la flemme de faire la cuisine. Flunch Traiteur, votre fils a eu la moyenne en maths. Flunch Traiteur, et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunch Traiteur. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiteur.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunchtraiteur.fr. Il y a les vins très... Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer. Blaye Côte de Bordeaux. Authentique et convivial, Blaye Côte de Bordeaux a une touche d'audace en plus. Attention, l'AOC Blaye Côte de Bordeaux peut vous faire changer de regard sur le Bordeaux. Blaye Côte de Bordeaux, remarquable. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le voyage de Noël d'Arthur qui change. Avec la valise cabine à 10 € au lieu de 19. 10 € seulement. Arthur, c'est pas les trains, les avions et les voitures qui sont mal fichus. C'est ta valise qui est trop grande. Essaye celle-là, tu verras. Jusqu'à mardi, vos magasins Auchan proposent la valise cabine ABS hauteur 50 cm à 10 € seulement au lieu de 19 €. Et votre voyage de Noël change. Auchan. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleurs effets spéciaux, Mégane avec l'affichage tête haute et toutes les infos réunies dans le champ de vision. Meilleur scénario, Mégane avec Multisense. En mode sport ou en mode confort, elle joue toujours juste. Et prix du meilleur prix, Mégane, bravo. Renault reprend votre voiture 4 000 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Mégane. French Touch touche française. Offre valable jusqu'au 31 décembre sur toute la gamme Mégane. Voir Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Apparemment, le 8e arrondissement de Paris sera complètement fermé samedi pour qu'il n'y ait pas de dégradation. C'est ce que l'on apprendrait, mais qui sera sûrement développé par nos amis des infos. Alors, nous allons maintenant revenir, car vous avez entendu l'alerte sur Guadeloupe, c'est ça ? Qu'est-ce facile ? Alors, Guadeloupe, déjà, elle est sans ressources depuis 4 mois, tout ça parce que son ancien employeur ne lui donne pas ses papiers de fin de contrat. Bernard ! J'ai eu cette fameuse, charmante dame, Julien. C'est important, elle vient de m'annoncer quelque chose d'essentiel. Dans les 3 jours ouvrés, vous aurez l'attestation de salaire de Guadeloupe qui va arriver chez elle par mail. Voilà, est-ce que vous êtes content, Julien ? Guadeloupe, est-ce que vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu, mais j'espère que c'est dans les 3 jours, mais il faudrait aussi qu'il la télétransmette au Pôle emploi. D'accord, voilà. Oui, on va c'est leur tout dire. Tout bête, mais... S'ils nous écoutent, il faut faire vraiment les choses en règle. Merci déjà, s'ils nous écoutent, d'avoir réagi aussi vite l'Académie de Créteil. Il lui faut d'ici trois jours, mais soyez sympa, si vous ne l'envoyez pas par téléportation, on va dire. Au Pôle emploi, elle n'aura rien. Donc c'est vraiment important. Voilà, elle a besoin de cette attestation pour non seulement percevoir ses allocations de retour à l'emploi, donc le chômage, ça c'est Pôle emploi, et d'un autre côté, ensuite, avoir cette attestation de salaire pour le calcul de ses indemnités maladie, puisqu'elle était malade. Donc trois jours, vous m'avez dit. Ouvrez. Donc ça veut dire que vendredi, on est quoi aujourd'hui ? On est jeudi. Oui. Vendredi, un jour ouvré, lundi, mardi, donc vous l'aurez mercredi. Donc si mercredi matin... à partir de mercredi, mais normalement mercredi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'appelle mercredi matin sur l'antenne d'RTL, c'est JB qui est sur le coup, vous me mettez donc au planning, Guadeloupe mercredi, pour vérifier, un, qu'elle a bien eu les papiers, et pour vérifier, deux, que ça a bien été envoyé au Pôle emploi. Maintenant, peut-être que Bernard, vous pouvez rappeler cette personne, déjà un, pour lui dire merci, et deux, pour bien voir qu'elle envoie ça au Pôle emploi. Alors, je lui ai dit déjà merci Julien, j'ai eu un accueil relativement froid, mais loyal, elle m'a dit, monsieur, vous m'aviez demandé... des informations. Vous avez évoqué à l'antenne 6 mois alors que c'est que 3 mois. Donc voilà comment on procède. Donc j'ai respecté. Bon. Je pense que mais l'appeler maintenant. Je le redis à l'Académie de Créteil. Ils ont le droit maintenant de nous détester, de penser tout ce qu'ils veulent sur nous. C'est pas très grave. On ne le fait pas pour les embêter. Je ne me lève pas le matin en me disant tiens, si j'allais embêter l'Académie de Créteil. Je le fais parce que j'ai une femme, vous avez écouté son témoignage, Guadeloupe, qui nous dit je n'ai plus rien. Plus rien. Je suis obligé de prendre des crédits, de me faire nourrir par ma famille, parce qu'on ne m'envoie pas les papiers. Et quand j'appelle, on me dit il y a un bug. Donc c'est pour ça qu'on essaie de remuer un peu le cocotier. Alors je dois indiquer pourquoi nous avons parlé de 6 mois. C'est que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de notre Guadeloupe a été notifiée le 20 juin. Donc le 20 juin 2018, il savait qu'elle ne retravaillerait pas donc à compter du 1er septembre. Et c'était donc quand même un temps tout à bien fait sûr. Normal pour avoir le temps de clôturer son dossier et de faire les documents. Moi, je trouve que c'est bon, navrant allez. Qu'on soit obligé de pleurer après. On croise les doigts. Je vous en prie. Allez-y, Guadeloupe. Oui, moi, j'ai une petite parenthèse. C'est que dans ce que moi, j'enseignais, on dit à nos élèves, si vous n'avez pas de fiche de salaire ou si vous n'avez pas les documents dans un temps raisonnable que l'on considère un mois, vous pouvez aller, si vous êtes dans le privé, au prud'homme. Ouais. En ce qui concerne l'administration, eh bien, c'est comme quand vous arrivez en tant que contractuel, vous êtes jeté dans la fosse aux lions et vous n'avez pas les règles du jeu. Eh bien, c'est bien de le préciser, Guadeloupe. Je rajoute même quelque chose, encore une fois. On n'est pas en train de faire du poujadisme de bistrot, mais souvent, c'est vrai que les fonctionnaires sont un peu montrés du doigt, de quoi se plaignent-ils, etc. Et je vous assure, et je suis très étonné que ce matin, on a plein de fiches de gens dans l'enseignement comme ça qui nous disent, mais c'est des fois 2-3 mois après qu'on est payé. Il y en a plein. Et ça, c'est alors, quelque chose oui, que je n'avais pas mesuré, moi. Oui, si vous avez bien... Enfin, moi, je vous ai envoyé un certain nombre de documents. Et si vous regardez bien, déjà, les fiches de salaire sont illisibles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous êtes payé effectivement avec 2 ou 3 mois de décalage. Et il faut savoir que j'avais demandé une attestation de salaire, une attestation Pôle emploi l'an dernier. Et je l'avais demandé en juillet. 2017, ils me l'ont envoyé en mars 2018. Bon, en tout cas, Guadeloupe, là, comme j'ai plein de cas à régler, nous, on se parle mercredi matin et on s'appelle JB à noter ça. D'accord ? En attendant, bon week-end, Guadeloupe. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir, bientôt. Nous allons retrouver dans quelques instants la farandole des cas qui bloquent. Nous allons aussi essayer de continuer à décrypter, puisqu'on est plusieurs, toute une commission de chercheurs dont je fais partie, qui essaie de comprendre le nouveau langage que Bernard Sabat... Il y a eu l'espéranto à une époque, il y a des dialectes. Là, le sabaït, nous essayons de le comprendre. Essayons de travailler sur un nouveau cas concret qui s'est déroulé il y a à peine quelques secondes. J'ai eu cette fameuse... Cette farmante. Alors, une fameuse et charmante. Une farmante, ça y est, voyez, petit à petit, on arrive à faire un lexique. Une farmante, c'est une femme charmante. Non. Fameuse et charmante. C'est une farmante. C'est une farmante. Mais c'est très bien. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL avant de revenir sur ce directeur artistique qui travaille mais qui n'est pas payé. Et malheureusement, la personne en question a plein d'établissements et on ne comprend pas pourquoi il ne paie pas, on rappelle. You see that black boy over there running scared. His old man and 11h-12h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Vous voulez que je vous dise, il y a des jours où on est un peu chafouin. Et il en est d'autres où on se sent la force de grimper sur la Lune. Bah dites-moi. Je boude d'impatience. Mais pour quelle raison? Parce que je vais recevoir un génie. Il est dessinateur, peintre, cinéaste. Sa bande dessinée L'Arabe du Futur s'est vendue à des millions d'exemplaires et a été traduite dans plus de 20 pays. Bref, c'est une star. Riyad Satouf est dans À la bonne heure. Et la bonne heure, c'est à 11h sur RTL. À tout à l'heure. Et voilà, Madame Girard, une chaudière toute neuve aux normes PEB. Avec ça, vous allez maximiser votre PCI sans consommer plus de FOD. Le tout éligible au CITE, évidemment. Hein ? Chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, on vous comprend. Bénéficiez d'un crédit bail exceptionnel à 0% sur Cadivan et Transporter Van jusqu'au 31 décembre seulement. Trouvez le vôtre disponible immédiatement sur lemien.fr. Crédit bail 0% sur 36 mois, 90 000 km sur Cadivan et Transporter Van dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2018 sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur lemien.fr. Il y a toujours une bonne occasion pour commander Flunchtraiter. Vous venez d'avoir votre premier bébé, ou c'est la première neige de l'année. Flunchtraiter, quand c'est la fête chez la voisine, ou la flemme de faire la cuisine. Flunchtraiter, votre fils a eu la moyenne en maths. Flunchtraiter, et pour les fêtes sans mettre la main à la pâte, Flunchtraiter. Toutes les occasions sont bonnes pour commander votre repas de fête en quelques clics sur flunch-traiter.fr. Jusqu'au 12 décembre, tentez de gagner votre repas de fête. Voir conditions et règlements sur flunchtraiter.fr. Erectus, c'est le roman choc de Xavier Muller. Des lecteurs unanimes, impossible de s'arrêter. Une histoire qui fascine autant qu'elle horrifie. Un roman si crédible que cela en devient effrayant. Un tour de force. Pour Bernard Lehu, RTL, un scénario fou, une révélation. Erectus de Xavier Muller, un livre XO. Il y a les vins très... Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer. Blaye Côte de Bordeaux. Authentique et convivial, Blaye Côte de Bordeaux a une touche d'audace en plus. Attention, l'AOC Blaye Côte de Bordeaux peut vous faire changer de regard sur le Bordeaux. Blaye Côte de Bordeaux, remarquable. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le voyage de Noël d'Arthur qui change. Avec la valise cabine à 10 euros au lieu de 19. 10 euros seulement. Arthur, c'est pas les trains, les avions et les voitures qui sont mal fichus. C'est ta valise qui est trop grande. Essaye celle-là, tu verras. Jusqu'à mardi, vos magasins Auchan proposent la valise cabine ABS hauteur 50 cm à 10 euros seulement au lieu de 19 euros. Et votre voyage de Noël change. Auchan. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, nous revenons donc sur le cas de Louis qui est peut-être en ligne avec nous en direct sur RTL. Bonjour Louis, il n'est pas là. Oh non, ce matin, malheureusement, il bossait, il avait un rendez-vous. D'accord. Alors, on va résumer Céline, ce qu'il nous a dit hier sur l'antenne d'RTL. Alors, Louis a imaginé toutes les lumières pour une boîte de nuit parisienne. 8700 euros, c'est ce que lui doit le gérant de ce club. Alors, malheureusement, il a besoin de cet argent vraiment aujourd'hui. On ne comprend pas parce que la personne en question est quand même à la tête de plein d'établissements. Et c'est bien, et je le félicite vraiment, parce qu'il fait bouger la nuit, etc. Mais on ne peut pas ouvrir des établissements et ne pas payer ceux qui ont conçu ces établissements. Alors on a parlé du Wanderlust, du Silencio, de la Sociale, et Nuit Fauve devait ouvrir, le cinéma de l'entrepôt. Nous avons appelé hier ce monsieur que nous avions déjà eu il y a quelques temps pour un autre cas, Charlotte, rappelez-nous. Effectivement, il y a 2 ans pour le cas d'une graphiste qui n'avait pas été rémunérée non plus. Et d'ailleurs, ça avait donné lieu au fricheton, parce que nous n'arrivions pas à joindre le gérant de ce bar. On avait mis quelques temps quand même à régler ce cas qui a été réglé quand même. Bon, alors maintenant, où en est-on depuis hier, puisqu'on a essayé d'avoir ce monsieur Frisch ? Je lui ai laissé un message hier après-midi, malheureusement, il ne m'a pas rappelé, donc je vous propose de le refaire tout de suite. En plus, il pourrait très bien, vous voyez, une fois qu'on l'a appelé une première fois, rappeler Louis en lui disant, bon allez, j'ai écouté hier, d'accord, ok, je te donne l'argent, voilà ce que je te propose, est-ce qu'on peut couper la poire en deux ? Car encore une fois, le principe de l'émission, ce n'est pas de dire, il faut tout payer tout de suite. Non, c'est de dire, avant d'aller au tribunal, discutons un peu. Oui, sachant quand même toutefois que dans cette affaire, il y avait 2 facturations. Une facture d'honoraires pour la conception intellectuelle, on va dire, qui était pour le lieu en général. Et puis après, pour un événement qui était éphémère, il y a eu de la location de matériel. Et là, sur ce point-là, Julien, il n'y a pas de possibilité de transiger. Il y a déjà eu une réduction de 30% qui avait été faite. Donc ça a été fait, d'accord. Voilà, donc okay. Ça va être difficile de renoncer encore. Alors attention, nous allons appeler maintenant qui ? Frisch out! Allez, on appelle le Frisch. C'est chic. Frisch out! C'est bien. Ah, Frisha. Je chante, j'attendais que ça sonne. Ça sonne. Parce que j'allais pas faire le titre entier. Voilà. Je ne suis pas certain que ce monsieur nous réponde, mais nous allons lui laisser un message. Vous entendez au loin, là-bas, une voix, c'est celle de Bernard Sabat qui continue donc de négocier. Est-ce que Bernard peut se mettre à quatre pattes sous la table parce qu'on entend un peu trop? Le pauvre, il fait son métier, hein, je ne lui en veux pas, mais alors, voilà, on est tous dans la même pièce et c'est bien, c'est la vie. Mais... Excusez-moi, Julien. Je vous en prie, mais oh, attendez, vous plaisantez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie orange de Arnaud Frisch. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonjour Monsieur Frisch, Julien Courbet, en direct sur la radio RTL. Je me permets de vous rappeler ce matin car nous tenons absolument à ce que vous puissiez nous donner votre version des faits et nous dire que nous nous trompons. Et pour ça, nous sommes prêts à vous laisser tout le temps d'antenne que vous souhaitez en direct sur RTL concernant Louis de Castro qui nous dit avoir beaucoup d'impayés et qui est dans une situation très compliquée. Auriez-vous simplement la gentillesse ou de le rappeler directement ou de nous rappeler pour essayer de trouver un accord avec lui parce qu'il est en grande difficulté. Vous êtes à la tête de grands établissements et je vous félicite d'ailleurs pour la réussite de ces établissements. Mais comprenez que les artisans qui travaillent pour vous, là en l'occurrence c'est un directeur artistique, ne peuvent pas rester comme ça avec des impayés. Donc Monsieur Frisch, je me permettrai de vous recontacter, mais sachez que vous pouvez à n'importe quel moment sur l'antenne d'RTL, n'importe quel jour, nous rappeler au numéro que nous vous laissons maintenant. Vous récupérez, Charlotte ? On récupère. Voilà, donc on le redit à Monsieur Frisch, soyez sympa, on n'est vraiment pas là pour vous embêter, on est là pour aider Louis. Que tout le monde profite de cette expansion de boîtes de nuit et autres clubs. Dans une seconde, sur l'antenne d'RTL, ça sera Carole. Carole, c'est cette trottinette électrique qui prend feu lors de la première utilisation. Et depuis, le site vendeur ne donnait pas de nouvelles. Alors la pauvre, vous imaginez le gamin. Il a une trottinette électrique pour Noël. Elle prend feu immédiatement. Donc sa mère lui dit, on va la renvoyer. Et un an après, nous sommes donc au deuxième Noël, il n'y a toujours rien. Donc, encore une fois, faites très attention. Si la trottinette, elle est à temps chez Boulanger, chez les spécialistes, qui vous voulez, Décathlon, etc., et que vous la trouvez à quart de prix ou à moitié prix sur un site moins connu, c'est qu'à mon avis, il y a un loup. Et d'ailleurs, là, il y en a un, puisqu'ils sont incapables de la réparer et de la changer. Là, dans ces cas-là, on reprend la trottinette, basta, on en renvoie une autre. C'est ce qui se passe chez les grandes marques. Eh bien, là non, nous allons savoir pourquoi dans une seconde. Ça m'a pris par surprise. Bon, ça ne nous regarde pas, Maître Felono, je vous en prie. Bon, je reste sur le droit et que le droit. Ça, bon. Il n'a peut-être pas eu le temps de vous prévenir non plus. Voilà. C'est encore et toujours moins sûr que ça t'attend. Springfield, Massachusetts. La vie coulée comme de l'eau. Matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi, ça me rendait fort. Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ça faisait un, deux, trois, petits mamans. Quatre, cinq, six, Alice. Sept, huit, neuf, Candelina. Dix, onze, douze, Ringa, Blues. One, two, three, come on, baby. Four, five, six, a kiss. Seven, eight, nine, you're on my mind. Ten, eleven, twelve, tell me when. Il paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour le pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de voir les. On est plein pour ceux qui s'ignorent. Moi quand j'entends les trompes, Frédéric. Goldman, Jones, 1, 2, 3 sur RTL pour nous donner, écoutez, en ces périodes un peu compliquées, un week-end qui risque de l'être, un peu la pêche et un peu le moral. Et nous allons nous retrouver dans une seconde avec le cas de Carole. On parlera de sa trottinette électrique qui a pris feu dès la première utilisation. Un an après, elle n'a toujours rien parce qu'elle veut la réparer pour son enfant. Le site, apparemment, ne fait rien. Il faudra faire très attention et j'espère qu'on aura du nouveau. Parce que moi, je vous déconseillerais d'aller sur ce site si c'est le cas. A tout de suite. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2018, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr. Leclerc. Chérie, je vais nous prendre le jeu Super Smash Bros Ultimate pour Nintendo Switch chez Leclerc. C'est super ça, mon chéri. Tu m'étonnes, c'est juste le jeu incontournable pour Nintendo Switch. Et après Leclerc. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 7 au 15 décembre, le jeu Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch est à 51,49€ avec en plus 1€ en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc. Super Smash Bros Ultimate pour Nintendo Switch chez Leclerc. Et donc chez nous. Cette semaine avec Télé 7 jours, achetez le CD des plus belles chansons de Noël. La totalité des bénéfices permettra d'offrir des cadeaux aux enfants hospitalisés avec l'opération Sans Noël dans 100 hôpitaux. Le CD de Noël plus votre magazine, 3,90€ seulement. Passez une bonne journée avec RTL. Alors ? Je vois, 5000 appartements neufs. 5000, c'est bon ça ? Oui, très très bon pour l'investissement. Je vois des logements idéalement situés, avec des prestations de qualité. Excellent. Ensuite ? Je vois des taux bas et des mètres carrés offerts. Ah bon ? Combien ? 3. 3 mètres carrés, c'est génial. Et vous arrivez à voir tout ça dans une boule de cristal ? Ah bah non, je suis sur le site de Cogedim, c'est plus sûr. Il est mignon. Avant le 21 décembre, Cogedim vous offre jusqu'à 3 mètres carrés sur 5000 logements neufs. Cogedim. Vous verrez la différence. Plus d'infos sur cogedim.com. Les hits RTL avec Angèle, Jérémy Frérot, Marc Lavoine, Maroon 5, Ed Sheeran, Georges Ezra, Maître Gims et Vianney, Zazie. Les hits RTL 2018, la compile événement. Carrefour. Carrefour lance les Happy Hours. Il y a 10€ en bon d'achat tous les 30€ d'achat sur plein de produits. Résultat des courses, je suis la reine des économies. Aujourd'hui et demain, c'est les Happy Hours dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. À partir de 17h, il y a 10€ en bon d'achat tous les 30€ d'achat sur tous les chocolats de Noël, tous les alcools et tous les jouets avec la carte Carrefour. Carrefour. Panachage non possible, limité à 90€ d'achat par catégorie de produits de 17h à la fermeture des hyper. Modalité produits concernés, magasins participants et horaires sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour votre santé, évitez de grignoter. Happy Hour, heure heureuse. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Allez, nous revenons sur le cas de Carole qui est en ligne avec moi sur l'antenne d'RTL. Bonjour Carole. Oui, bonjour Julien. Carole, vous avez acheté, pas pour ce Noël, pour le Noël de l'année dernière, une trottinette électrique à votre fils. Première utilisation, la batterie prend feu. Donc la trottinette est capoute, vous rappelez le site et là on vous dit quoi à l'époque ? Rappelez-nous en deux mots. Envoyez-nous une photo et on va voir si on peut vous échanger et on vous échangera les pièces. Bon, et rien n'a été fait au bout d'un an. Rien. Rien. On est d'accord. Rien. Donc, nous avons appelé ce site homeloisir.fr. Retenez bien ce nom, H-O-M-E-L-O-I-S-I-R-S, homeloisir.fr, dont la gérante est Martine Danebeil. Nous avions eu un responsable à Neuville-les-Dieppe, en Seine-Maritime, qui devait rappeler l'auditrice. Qu'est-ce qu'il vous a rappelé ? Est-ce qu'il vous a rappelé, Carole, et que vous a-t-il proposé ? Alors, au début, il m'a envoyé juste un SMS en me disant qu'il allait voir avec son fournisseur pour se faire dédommager. Je lui ai dit qu'il me rappelle. Il m'a rappelé. Il m'a dit, écoutez, moi, la radio, je ne veux rien, j'en ai rien à cirer. Ce ne sont pas des pratiques. Je veux traiter qu'avec vous. Je lui ai dit, écoutez, si vous traitez comme depuis un an avec moi, de la même façon, on va pas avancer. Et aujourd'hui, écoutez, j'en ai encore la certitude qu'il ne me rappellera plus. Bien sûr. C'est terminé. Parce qu'en fait, moi, je lui ai dit, écoutez, pour que ce soit plus plus simple, dédommagez moi et vous ensuite voyez avec votre fournisseur. Bon, bah écoutez, aujourd'hui... Il n'y a rien. Alors déjà, Maître Philonneau, mais très rapidement, parce qu'on est en retard. Quand il dit « je vais voir avec mon fournisseur », mais c'est une méconnaissance totale du droit de la consommation. Non, effectivement. Alors, il aurait pu insister auprès du fournisseur pour avoir cette fameuse batterie, parce qu'au départ, on ne demandait qu'un service après-vente qui, lui, est fourni par le constructeur. Donc, l'attitude du vendeur n'était pas totalement surprenante. En revanche, comme il ne parvenait pas à ses fins, il devait soit l'échanger, soit carrément la rembourser. Très rapidement. Rapidement, dernière question, Carole. Elle était vraiment moins chère que sur les autres sites, sa trottinette ? Ah, pas du tout. Ah non, elle est même un prix 489 garantie France. C'est encore pire. Donc, c'est pour ça que je me tue à vous dire, mais vous faites comme vous voulez, ça n'engage que moi. Quand vous l'achetez, votre trottinette, chez une marque qui sent bon, comme Decathlon, citez-moi des marques... Ça arrive toujours, il n'y a pas ce souci-là. Quand vous prenez des marques moins connues, parce qu'un site, n'importe qui peut le faire. Mon fils de 18 ans, vous lui donnez un ordinateur, il va vous faire un site, vous allez avoir l'impression d'être aux Galeries Lafayette. Après, il n'y a aucun suivi. Donc, première chose, c'est que ça va aller au tribunal, ça ne vous coûtera que le timbre. Nos amis de demandezjustice.com qui vont assigner Martine Danebé de homeloisir.fr pour qu'elle vous rembourse et que cette trottinette, parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Néanmoins, moi je pense à votre fils qui a quel âge ? 14 ans. À qui vous devez à chaque jour répéter « mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver » Bernard Sabat. Exactement. On ne peut rien faire ? Je pense qu'on a quelqu'un qui veut parler à l'antenne, Julien. Bonjour monsieur, quel est votre nom et le nom de votre magasin ? Alors moi je m'appelle Stéphane Mélaïf, enchanté, je suis le responsable et gérant de la marque e-Road. e-Road est une marque de mobilité urbaine. I étant un E en fait, E-R-O-A-D. Voilà, .fr. .fr, et qu'est-ce qu'elle peut faire e-Road.fr, cette marque, pour Carole et son fils ? Alors Carole, on ne va pas la laisser comme ça aujourd'hui, on a de l'expérience, on est là depuis 99 dans le métier. On va vous faire cadeau à Vincent, une belle trottinette électrique comme il se doit, pour ne pas qu'il reste sans son cadeau de Noël. On l'accepte pas. La meilleure conseil, je vous ai entendu, c'est le mieux si des gens sont payés pour ça, c'est d'appeler directement la DGCCRF. Vous verrez qu'ils vont courir pour vous rembourser et que des gens, c'est leur métier. Bon, eh bien, merci. Et je vais vous dire une chose, Carole, et je le dis à tout le monde. Vraiment, E-Road, un grand merci. Ouais, et ce monsieur, en plus, il est d'autant plus sympa que le week-end dernier, il s'est fait défoncer et piller sa boutique. On va mettre, si vous nous le permettez monsieur, la vidéo en ligne où vous allez voir que des casseurs viennent, font tomber la vitrine, ils rentrent et ils sortent tous avec des trottinettes, des vélos. Avenue de la Grande Armée, Julien. Avenue de la Grande Armée, ils vous ont absolument tout volé. La scène fait peur. Moi, j'ai vu la vidéo, je vous assure. C'est incroyable. Je me suis dit, waouh, là, c'est la révolution. Donc, malgré tout et malgré avoir tout perdu, il vous fait quand même cadeau, ce monsieur, cette trottinette. Donc, voilà, chacun peut lui rendre après à sa manière. Si vous avez des articles électriques à commander, sachez que ce monsieur d'E-Road est un mec sympa et qu'il mérite au moins qu'on lui donne un coup de main là-dessus. Bravo à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Avec plaisir. Et on garantit 2 ans les pièces et modèles. Voilà, on ira chez e-road.fr pour les prochains achats. Carole a noté. Merci. Joyeux Noël à vous. Merci. Alors ça tombe bien parce que figurez-vous qu'on est en plein dans l'actu, mais malgré nous, on l'avait prévu depuis longtemps. Vous savez, beaucoup de gens nous disaient pour les cambriolages, ça serait bien de nous donner des tuyaux. Alors on avait prévu ce lundi une spéciale cambriolage. Donc envoyez-nous vos témoignages de cambriolage, indemnité, etc. avec nos amis de Vérissure et Olivier Orbs qui vont nous donner des conseils. Mais là, on sera obligé de lui parler des boutiques qui se font cambrioler. Tout de suite sur RTL. Papa ou maman, la série arrive sur M6. Il me rend dingue ! Elle est dingue ! Dans la famille Mendes, tout va pour le mieux. On ne divorce pas chez les Mendes. On va divorcer. Enfin, presque tout. On vit une situation de crise, on doit prendre des mesures. Ils se séparent et pourtant ils sont inséparables. Papa ou maman, la série avec Florent Père et Émilie Caen, c'est ce soir à 21h sur M6. Oh, oh. Chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleur son, Clio Trend avec la Radio Connect Rengo. Meilleur décor, Clio Trend et son décor extérieur chrome. Et prix du meilleur prix, encore Clio Trend à partir de 9 990 €. French Touch touche française. Pour Clio Trend TCE 75 sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'écoprime Renault de 1 200 € et gouvernementale de 1 000 € déduite. Offre valable jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. L'unité Alphabet. Le nouveau thriller de Jussi Adler-Olsen. 1944, deux aviateurs anglais sautent dans un train pour échapper aux Allemands qui les poursuivent. Sans le savoir, ils viennent de tomber dans les griffes des médecins nazis de l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique destiné aux SS. Là, pour échapper à leur nouveau bourreau, ils n'ont plus qu'une solution, simuler la folie. y parviendront-ils? L'unité Alphabet, le plus dérangeant des suspens de Jussi Adler-Olsen, un thriller Albin Michel. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, je vous mets au jus? Sans le pépin là. Oui bah demain et après-demain, le filet d'orange à dessert de 3 kilos dont 1 offert est à 1,99€. Le filet d'orange à dessert de 3 kilos dont 1 offert à 1,99€, c'est juste pas possible. Ah si, ça fait 67 centimes le kilo. J'en prends un filet? Te presse pas de rentrer surtout, hein, t'es mal hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 4-5, variété Naveline, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Astérix revient au cinéma. Oh, tout à dit. Le secret le mieux gardé de Gaulle. Je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Est sur le point d'être révélé. Quoi ? Astérix, le secret de la potion magique. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter ? Le rendez-vous familial de Noël, actuellement au cinéma. Avec RTL. Intermarché vous propose d'écouter quelque chose d'important. Ça fait des années qu'on vous dit que nous sommes tous unis contre la vie chère. Alors quand le prix d'un produit du quotidien s'envole, nous répondons présent. C'est pour ça que tous les vendredis et samedis jusqu'à la fin de l'année, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Or E85, modalité et magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La tournée continue, le One Man Show sera le 12 janvier. Le 12 janvier au Casino de Bordeaux, je ferai une spéciale Bordeaux. Le lendemain 13 janvier, je jouerai à Tarbes, au 7. Est-ce que on ne parlerait pas de bande dessinée, monsieur? Absolument, mon cher Julien. J'ai bien compris, avec quelqu'un qui cartonne là-dedans. Absolument, et il est même exposé en ce moment. C'est vrai.